Attention, afin d'éviter des tensions inutiles en cette année d'élection présidentielle, certains mots et expressions seront bannis du langage courant à partir du 15 janvier 2017. Des expressions comme « on va pas se mentir », « ni une ni deux », « je dis ça, je dis rien », « à plus dans le bus », « à bientôt dans le métro » ou bien encore « à demain dans le train » seront désormais interdites et passibles d'une amende forfaitaire d'un montant de 35 euros, majoré à 150 euros si vous ne payez pas dans les 30 jours. De plus, le mot « juste » ne pourra plus être placé n'importe où dans la phrase et sera considéré comme hors la loi s'il est mis entre « c'est » et un adjectif, comme dans « c'est juste pas possible »,« c'est juste hallucinant », »,« parce que c'est juste insupportable ». Enfin, dans un souci de rééquilibrage budgétaire et de réduction de la dette de l'État, une super amende de 1500 euros sera appliquée à l'expression « au jour d'aujourd'hui », car c'est juste pas français. Et puis, vous prendre votre argent par n'importe quel moyen, j'avoue, c'est que du bonheur. Ceci était un message de l'Académie française des finances.